Actes chapitre 4. Mais comme ils parlaient au peuple, les sacrificateurs, et le capitaine du temple, et les sadducéens, survinrent, étant en grande peine de ce qu'ils enseignaient le peuple, et qu'ils annonçaient la résurrection des morts au nom de Jésus. Et les ayant fait arrêter, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain, parce qu'il était déjà tard. Et plusieurs de ceux qui avaient vu la parole, crurent, et le nombre des personnes fut d'environ 5000. Or il arriva que le lendemain leur gouverneur, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, souverain sacrificateur, et Caïphe, et Jean, et Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race sacerdotale. Et ayant fait comparaître devant eux Pierre et Jean, ils leur demandèrent, « Par quelle puissance, ou au nom de qui avez-vous fait cette guérison ?» Alors Pierre, étant rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Gouverneur du peuple, et vous, anciens d'Israël, puisque nous sommes recherchés aujourd'hui, pour un bien qui a été fait en la personne d'un impotent, pour savoir comment il a été guéri, sachez, vous tous, et tout le peuple d'Israël, que ça a été au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est, dis-je, en son nom, que cet homme qui paraît ici devant vous, a été guéri. C'est cette pierre, rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la pierre angulaire. Et il n'y a point de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point sous le ciel d'autre nom qui soit donné aux hommes, par lequel il nous faille être sauvés. » Eux voyant l'hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant aussi qu'ils étaient des hommes sans lettres, et idiots, s'en étonnaient, et ils reconnaissaient bien qu'ils avaient été avec Jésus. Et voyant que l'homme qui avait été guéri, était présent avec eux, ils ne pouvaient contredire en rien. Alors leur ayant commandé de sortir hors du conseil, ils conféraient entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces gens ?» Car il est connu à tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle a été fait par eux, et cela est si évident, que nous ne le pouvons nier. Mais afin qu'il ne soit plus divulgué parmi le peuple, défendons-leur, avec menace expresse, de parler à qui que ce soit en ce nom-là. Les ayant donc appelés, ils leur commandèrent de ne parler plus, ni d'enseigner, en aucune manière, au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean répondant, leur dirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons que nous ne disions les choses que nous avons vues et lues. » Alors ils les relâchèrent avec menace, ne trouvant point comment ils les pourraient punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui avait été fait. Car le moment qui avait été fait cette miraculeuse guérison, avait plus de 40 ans. Or, après qu'on les eut laissés aller, ils vinrent vers les leurs, et leur racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, et les anciens leur avaient dit. Ce qu'ayant entendu, ils élevèrent tous ensemble la voix à Dieu, et dirent, « Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre, la mer, et toutes les choses qui y sont, et qui a dit, par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi se sont émus les nations, et les peuples ont-ils projeté des choses vaines ? Les rois de la terre se sont trouvés en personne, et les princes se sont joints ensemble, contre le Seigneur et contre son Christ. En effet, contre ton Saint-Fils Jésus, que tu as oint, se sont assemblés Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils, et les peuples d'Israël, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil, avaient auparavant déterminé devoir être faites. Maintenant donc, Seigneur, fais attention à leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec toute hardiesse, en étendant ta main, afin qu'ils se fassent des guérisons, et des prodiges, et des merveilles, par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tout remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Or la multitude de ceux qui croyaient, n'était qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne disait d'aucune des choses qu'il possédait, qu'elle fût à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. Aussi les apôtres rendaient témoignage avec une grande force à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Car il n'y avait entre eux aucune personne nécessiteuse, parce que tous ceux qui possédaient des champs, ou des maisons, les vendaient, et ils apportaient le prix des choses vendues, et le mettaient aux pieds des apôtres, et il était distribué à chacun selon qu'il en avait besoin. Or Josué, qui par les apôtres fut surnommé Barnabas, c'est-à-dire, fils de consolation, lévite, et cyprien de nation, ayant une possession, la vendit, et en apporta le prix, et le mit aux pieds des apôtres.